Lettre centième, Théophanie à Junia Marcella, Byzance, avril 305. Me voici bien près de ma chère patrie, vis-à-vis de moi et la Bithynie. Bientôt mes pieds en toucheront le sol, bientôt mes yeux verront les murs de Nicomédie, de cette ville où j'ai retrouvé mon Agathoclès et le bonheur. Pourquoi donc ce saisissement douloureux que j'éprouve en y rentrant? Ah, j'y ai bien souffert, et peut-être suis-je appelé à y souffrir encore? Mon cœur est rempli d'angoisse sur l'événement prochain de l'abdication de Dioclétien. Constantin nous mente qu'il est fixé au 1er de mai et presse Agathoclès d'en être le témoin. Je ne puis penser sans frémir au plan aussi sublime que téméraire qu'il a conçu. Le bonheur d'Agathoclès et par conséquent le mien dépend trop du sort de son ami pour que je puisse être tranquille. Je vois dans le lointain des figures sombres et menaçantes. Je sais que l'ambition et la vengeance fermentent en silence. Dieu seul sait comment tout ceci se terminera. Puisse-t-il écarter ces terribles images? Ah, que j'étais heureuse à Saint-Iom! Pourquoi n'ai-je pu y rester toujours doucement occupée de mes devoirs d'épouse et de mère? Je reconnais sans doute la beauté du but que Constantin et Agathoclès se sont proposé. J'admire leur persévérance et j'approuve leurs mesures. Mais je crains que mon tranquille bonheur ne s'écroule au milieu de ce grand combat. Une autre circonstance ajoute encore à mes inquiétudes. Le moment approche où, pour la seconde fois, je vais devenir mère, où je vais être entre la vie et la mort. Crois-tu que je serai aussi heureuse que je l'ai été? Ce pauvre enfant, qui n'a pas encore vu le jour, et celui qui ne sait pas encore parler, ne doivent-ils point perdre leur mère? Me séparer d'eux et de leur père est la seule chose qui m'effraie. « Non, Junia, il me semble que sans eux, je ne puis pas même être heureuse dans l'éternité. Cependant, si Dieu veut disposer de moi, je m'y soumets avec résignation, contente d'être sûre de ne pas survivre à mon Agathoclès. Tu serais alors la mère de mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'âge où ils ne seront plus en embarras pour leur infortuné père. Une femme doit-elle se plaindre de mourir en donnant la vie à un citoyen, à un chrétien? Et si c'est une fille, ô ma Junia, élevée par toi, elle consolera un jour son père, elle lui tiendra lieu de sa théophanie. Je veux donc tâcher de voir arriver sans effroi l'instant marqué par la nature, pourvu toutefois qu'il n'arrive pas au moment où mon Agathoclès courra quelque danger, où je ne pourrai le secourir. Ô Dieu, éloigne-les de lui. Je supporterai tout. Adieu, ma chère Junia. Je t'écrirai de Nicomédie incessamment et d'une manière détaillée. Notre voyage ressemble à une fuite tant il est précipité. On vient de m'avertir que le vaisseau qui doit nous porter sur le rivage de Bithynie est au moment de mettre à la voile. Adieu encore une fois.